Je n'attends plus personne. Non, je n'attends plus rien. C'était toi ou personne. C'est toi ou ce n'est rien. Je n'attends plus personne. Étoile, sais-tu bien? Oui, toi qui m'abandonnes pour t'en aller plus loin. Pour toi c'est très facile, tu poursuis ton chemin, allant de ville en ville, sans jamais avoir besoin de quelqu'un. Je n'attends plus personne depuis que je t'ai vu. Je ne veux plus personne puisque je t'ai connu. Je n'attends plus personne car tu es reparti. Ce que la vie me donne n'a plus le même prix. Pour toi c'est très facile, tu ne t'arrêtes pas. Je n'attends plus rien, je n'attends plus rien.